j'ai mets ces gens-là en évidence pour que les gens les connaissent. Parce que quand vous verrez les choses comme je les vois, vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose à planète Terre qui est blanc. Laissez-moi vous le dire. La situation de l'homme est dépressive et déprimante. Elle est déprimante. La raison pour laquelle je ne vais pas trop loin dans certains détails, c'est parce que pour vous donner le temps de souvenir, mais dans 2, 3, 4 ans, moi, j'ai débloqué mon sac. Ben, pas loin, quand on aurait fini avec vous autres... On va être trop. Vous allez savoir ce que vous allez savoir. On ne peut plus niaiser puis se faire niaiser longtemps de même. Se faire niaiser par des égaux là, qui sont sur des plans, là, qui se prennent pour d'autres, qui sont plus niaiseux que nous autres. Qui nous bloquent. Ah, c'est très grave. Moi, ce qui me soutient dans mon travail, c'est que je pense pas. Si je penserais, je sacrerais tout ça là. Fait que je suis fusionné, je suis sérieux d'action, fait que je marche. Je serais découragé. Avec cœur en fait. On ne peut pas se fier à rien. Quand tu dis que tu ne peux pas te fier à rien, tu peux rien te fier à eux autres, ta propre connexion interne. C'est grave. C'est les gens les moins avertis qui vont être les premiers à gueuler contre vous autres. C'est toujours le même. C'est le même. L'histoire de l'homme, c'est ça. Qui est-ce que tu te prends? Non. Qui c'est qui se prend, Bernard Montréal? Bon, moi, j'étais un petit peu plus résistant que vous autres. Vous autres, vous n'allez pas dire quand vous avez ça. Moi, mon le travail sur mes corps, il est fait. Il dit qu'on a les débuts dans la tête. Bon, ouais, ils vont dire non. Puis là, vous vibrez en dedans. Ça vibre, hein? Je me payais mes corps sur tout le ouais, mais toi, t'es pas un cadeau, fait que c'est assez dur de t'attaquer. On dirait que plus le temps avance, plus je veux vous donner des mécanismes pour vous faire voir les illusions. Puis les illusions. Puis on dirait que je relaxe quand je fais ça. Ça, ce que tu viens de dire à propos de l'ignorance des personnes, c'est qu'ils disent « Ah, oh, ben Bernard se prend pour un autre, ben même moi je me prends pour un autre. Je me prends pour un thème ou je me prends pour ci ou je me prends pour ça. » Mais ça, ça a déjà été dit il y a 2000 ans. C'est toujours le même. C'est normal, c'est la nature humaine. C'est normal. Puis il faut que vous puissiez comprendre que c'est normal. Il faut que vous autres même. Toute une famille, tu sais, qui sont c'est ça. Il faut que vous le compreniez. Par contre, avec votre fils, que tu es une famille. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mon guide de travail, il y avait ça, il y avait un gros poids. Ah oui, vraiment, pour être partout. On est venu dans la compagnie qui a fait des symposiums. C'est pas un cadeau de pouvoir travailler. Vous ne devez jamais défendre mon point de vue parce que vous ne pouvez pas défendre mon point de vue. Faut que vous vous occupiez de votre propre vie à vous autres. Vous n'avez rien à défendre. Qu'est-ce que vous avez à défendre? Vous n'avez absolument rien à défendre. Ne perdez pas d'énergie à défendre votre point de vue. C'est rien, t'as beau fesser des murs, non? Ben non, vous allez vous vider. Vous pouvez parler avec du monde, il y a des gens, c'est pas parlable. Vous laissez tomber ça comme des patates chaudes. Je vais défendre mon point de vue. Je n'ai pas de point de vue. Je suis un point de vue. Mais mon expérience a été tellement douloureuse, puis je jouais tellement clair, que j'ai pas l'illusion de vouloir que vous autres vous voyez clair de même. Mais j'aimerais ça que vous voyiez un petit peu clair. C'est pour ça que quand je joue, vous demandez comment ça va, vous me dites ça va bien, là, je suis content. Pas intéressant à ce que ça va, est-ce que vous savez, puis ce que vous voulez savoir. Quand vous dites que vous êtes bien dans votre peau, je suis content. Elle, là, quand j'y parle, elle a des petites lunettes carrées. Elle dit, ah, la grosse gueule pendue, ce que vous avez, elle est contente. Je suis content. Parce que c'est rien que ça qu'elle a besoin. La mère enfant, mais je suis plein de gars qui vous voient changer les idées. C'est une toquée. On devient des vraies têtes de cochon. Vous allez voir, on devient des têtes de cochon. De l'extérieur. Non, non. Oui, en dedans, moi-même. Non, moi-même. C'est bien ça. Mon tour. Il est ouais. La police. La police. Il y a 4 heures, hein. Je travaille pas demain. Oh, ben, après, c'est moi, j'aurais été tenté. Dimanche prochain, 1 heure, l'auberge du gouverneur à Joliette, ça vous tente? Ben oui, oui, là, on accroche à des grands. Ah oui. Il y a une différence fondamentale entre la sixième race et l'homme solaire. Puis je suis pas en grande liberté encore de vous en parler. Parce que il y a des travaux qui se font dans le monde par des maîtres. Ces travaux-là doivent être conclus avant que d'autres choses sortent. Des choses qui sont encore voilées et qui doivent demeurer voilées. Mais je vais vous donner un aperçu. Ces choses-là sont pas sues. Encore. Ils n'ont pas été écrites. Mais l'homme solaire, ça, faut que vous vérifiez ça par vous autres mêmes. Que c'est pas mal au bout. L'homme solaire sera. Tu vois, c'est dur d'en parler, ça. L'homme solaire sera. Sans fort. Bonjour. Oui, mais comment ça s'appelle? Maurice, as-tu quelque chose? L'homme de l'espoir, c'est moi. T'as dit ça, moi. Y a toujours quelqu'un qui parle comme ça. Vas-y donc. Il y a toujours, je sais pas, des fois c'est l'ego, l'intellect, c'est une mère. Des fois, ça réchauffe ce que tu dis, t'as vrai. Vas-y donc, crée-tu ça. T'as dit que c'est l'homme de l'espoir. L'homme solaire, l'homme de l'espoir. C'est ça que j'entends après, mais là, tu cherchais, puis moi, ça arrêtait là. C'est l'homme de l'espoir. L'homme solaire, c'est-tu l'union de la partie cosmique avec l'homme terrestre? Oui. Je vais le voir, mais je ne peux pas en parler. Tu n'es pas capable d'en parler, hein? L'homme solaire sera le noyau, la force vibrante, le centre. Quand je parle de l'homme solaire, là, je parle de tous les hommes solaires, de la conscience solaire, manifestée dans ces hommes-là. Tu seras le noyau, le centre, la tête de la sixième race. What angle, Belien? L'homme solaire fera partie du gouvernement invisible de la sixième race. Ah non. La sixième race, vous connaissez là un gouvernement? Oh, okay. C'est l'homme solaire. L'homme solaire, c'est une race à part. C'est ça. L'homme solaire, c'est une race à part. Mais qui vient faire. Qui est venu précisément pour cette activité-là. Et les hommes solaires ne viennent pas de notre système solaire. Autrement dit, les incarnations des hommes solaires sont des incarnations extérieures au système solaire. Et tous les hommes solaires sont des scientifiques. tous. Les scientifiques dans l'éducation et les scientifiques en sciences. Et ce sont ces hommes-là qui seront, qui formeront le gouvernement invisible de la sixième race. Alors, pendant les années, on parlera de la sixième race. Et on a parlé d'ailleurs avant de la sixième race. Mais on n'a pas parlé du gouvernement invisible de la sixième race. Les pères de la sixième race. Les pères de la sixième race. Les fondateurs de la sixième race. Ils font voir la couronne dans toute la terre. Ils vont être là. Oui. Vous voyez, regarde, j'ai des images continuellement. Vraiment, ça vient d'en haut. Non, c'est ça que je veux. C'est pas toi qui te mets ton nez dans les affaires des autres. Bon, c'est ça. Instantané. Quand ça vient instantané, ça vient d'en haut. Quand tu cherches, ça vient d'en bas. Ah, mais c'est là qu'il bloque. Ça. Je viens juste de la saisir. Bon. T'as montré jusqu'à quel... Ben, coup, c'est compris, c'est compris. T'as montré jusqu'à quel point, quand ça vient d'en haut, t'as un libre accès à des choses. Si tu regardes dans mes yeux, tu vas voir quelque chose. C'est ça, je regarde toujours dans les yeux. C'est ça, dans les yeux. T'es mieux d'enlever tes lunettes. Non, mais ça, je suis toujours pas prête à regarder dans les yeux. Et on voit que je le suis. Je suis dans, pas dans toi, je le vois. C'est que toi, je suis bien image. Tu viens. Il y a des mots comme ça, arrête, arrête, perds. Tu vois, j'ai... Là. Il y a de l'intellect, parce que... Ça vient de ça, d'en haut. Parce que tu... Tu n'as une très belle intelligence créative. Mais, encore, vous avez des facultés, et à cause de votre ignorance, vous allez traîner dans les poubelles. Comment? Comment ça marche? Jusqu'à temps que vous sachiez. Attends que ça vienne d'en haut, puis là, ils vont te montrer énormément de choses, puis par ça, tu vas pouvoir comprendre beaucoup de choses concernant l'avenir. Souvent, je te rappelle, ça arrivait une couple de fois que M. Vettot, je parlais, puis les images, puis tu me viennes, là. C'est ça. D'ailleurs, ta faculté de voir, ta... si j'étais avec toi ici, on jaserait, là. Mm. Ta faculté de voir tout ce que je te dis. C'est une faculté créative. Ben, j'en parle pas, je me dis, je pense toujours sur mon imagination. C'est t'as tellement de partie de moi-là, faut que ça vienne. Quand on a fait parler des commentaires, puis ça, j'en voyais plus. J'avais de la misère à trouver de la vieille voix. C'est assez. Je connais. Déjà pour voir. On est au cours des mois et des années qu'on va jaser, on va tout décortiquer à patente. Tout. Faut tout décortiquer à patente. Fait que là, ça va ouvrir vos sens, ça va ouvrir vos sens, ça va ouvrir vos sens. C'est là, parce que n'importe quoi que tu vas dire, comme le chandail, c'est pas tout ça, moi. Ouais. Ça, là, pour moi, c'est clair, clair. Yeah. Je pourrais pas l'expliquer. Regarde, quand je dis que dans la magie noire, c'est l'ego qui domine la force, puis dans la magie blanche, l'ego est un canal de la force. La voiture est différente? Dans la magie noire, l'ego veut contrôler la force. Là, je vois un homme noir. Ouais. Okay. Avec juste une tête blanche. C'est ça. Et c'est tout noir. C'est ça. Ouais. Puis dans la magie blanche, l'ego est un canard. Et là, je vois une lumière grande. C'est ça, une lumière grande. Comme un chien. Quand je dis que la sixième race, éventuellement, se retournera vers la magie noire. Regarde. Oui, je le vois. Regarde dans 800 ans d'ici. Ben, je rappelle bien. Ça va être très beau. Je vois les temples avec les personnes et les filles. Ah, ça va être très beau. Ça va être au bon. C'est pour ça, des fois, je vois ça. Je ne me coupe pas parce que c'est trop beau. Ouais. J'ai hâte de m'en aller là, mais. Je vois le gouvernement invisible, quand tu parles, je vois la centrale, puis je vois des... C'est entouré de panneaux de verre. Ouais. c'est tellement transparent. Les gens, ils travaillent avec tellement de... d'amour, là, là. Il y a... Il y a plein de... Fait que chaque personne qui fait ça... C'est ça. Il y a en lui, la créativité, fonctionne. Regarde, quand je dis que les hommes de la Terre devront contrôler l'espace, l'atmosphère terrestre contre les évasions extérieures. Je vois que des vaisseaux qui arrivent, puis que les gens qui rêvent, là, ceux qui ont eu la conscience de bien discerner le bien du mal, là, quand les deux personnes vont se lever. Je vois que les extraterrestres, les grands êtres là, qui arrivent d'après tout ça, les grands êtres de l'univers, viennent chercher des gens pour les amener avec eux, pour les informer, les instruire pour la sixième rate, pour préparer la sixième rate. Et là, comment faire le jeu de l'intérêt? Comment? Je n'appelle pas ça le jeu de l'intérêt, j'appelle ça la vraie loi cosmique. Alors, j'ai donc faim. Ça, c'est sur les grands mentales qu'il y a ça, non? Ça fait partie de son intelligence créative. Avouez ce que je dis. Ni plus ni moins, elle prend l'énergie, puis elle fait la forme. Ou c'est toi qui envoies la forme? Non. Je vois même la terre qui est aride, qui a plus de souffle, qui a été brûlée, qui a été néantie, puis il y a la couronne alentour, qui est venue parce que les gens, là, sont ceux qui ont su développer la volonté et la force là, pour combattre ça, là, l'extrêmement. Ça, pour les gens qui ont supporté, qui ont su équilibrer leur corps, ce qui reste, il y en a qui ont péri, là, mais c'est tellement arrivé, il n'y a plus rien qui vit dedans. Là, c'est là que je vois la couronne, puis que les gens, les vaisseaux, les grands et les êtres, de lumière, il y a un qu'on voit, là, je connais pas, je les vois pas encore. Mais je sais qu'ils sont lumineux, ils ont une très grande lumière, puis ils viennent chercher. Mais leur terre est terrible, pas juste des sources. Ouais. Il est vraiment vide. Pendant qu'on est là-dedans, à un moment donné, j'ai vu justement les personnes en tunique blanche, là. Mm-hmm. Et puis il y avait un grand vent, à un moment donné, tout le monde, ces tuniques blanches-là, là, ces gens-là, ils fuyaient ce grand vent qui s'en venait. Oh. As-tu une idée de ce que c'est, le grand verre-là? On dirait... Aussi un petit. Peut-être qu'on sait, les personnes sont en tunique blanche, là, puis ils fuient devant le vent. Il y a un grand vent. Et là, il y a un panneau vitré, là, avec tous des petits carrés dedans. C'est certain d'être... Ce que je vois, ce sont des êtres, des grands êtres spirituels de lumière, là. Que quand le grand vent va s'élever, qu'eux, il faut qu'il y ait quand même une protection pour laisser ce qui est supposé d'arriver. Bon, quand la fin arrive, il va s'élever des vents, juste avant le... T'en vois qu'ils sont protégés derrière ces vitres-là. Oui, ce sont les êtres qui se sont justement... ils se sont retirés. Ils ont privilégiés. Tu as rapport avec... Ce sont les relève les dieux des éléments. Les éléments vont s'effacer. C'est-à-dire que les personnes qui contrôlent les éléments, qui contrôlent le vent, tout ce qui tient la vie, ils vont tout contrôler. Ce qui tient l'ordre. Oui, mais tient l'ordre. Mais quand il y aura ce corps-là, c'est-à-dire que les vents vont s'élever, eux vont se retirer. Ils vont se mettre à l'abri parce qu'il faut quand même qu'ils se protègent. Il faut que tout soit facile pour laisser les choses se faire. C'est drôle parce qu'à un moment donné, il y a un copain de travail qui a vu la même chose que moi à ce moment-là. Et puis, les gens, lui, il a entendu les gens crier « Agneau » ou « Agneau ». L'agneau, ben, tu ne parles plus de l'agneau. C'est la fin du commandement. Ah, ça a trait avec l'agneau qui a dit tantôt, là, que tu as parlé. Parce que dès que c'est ça, il va avoir l'antichrist qui va arriver à ce moment-là. Lui, il va se présenter, comme disait Bernard tantôt, avec la signée dedans, puis ou la rose, je ne sais pas. Puis, peu de temps, quand les gens ont... Tu vois, c'est des choses que je l'ai visionné. Qui arrive de toute beauté, il va te prendre ta ventre, il va te prendre. C'est justement une option pour un petit peu plus tard, là. Les gens sont dans les temples. Pardon? Les gens sont dans les temples, là. Ils sont tous assis à terre en tunique blanche. Bon, ça, vous continuez, ça. Puis on va s'arrêter. Bon, je continue. Alors, le point que je veux faire, c'est que. Il y aura des gens parmi vous autres qui vous serviront, qui vous serviront à vous faire passer à travers cette période difficile de votre vie. Ces gens-là, vous les connaîtrez. Et ils resteront avec vous pour un bon bout de temps. Mais aussi, ils seront en communication avec d'autres niveaux. Et la communication qu'ils auront avec les autres niveaux les aideront, eux, à supporter une tâche qui sera plus ou moins difficile. L'homme ne peut pas fonctionner sans un aide supérieur à ses propres forces. Et sur la terre, il y aura un certain moment une très grande réorganisation au niveau des corps mentaux des hommes. Il y aura un travail fait en grande profondeur. Il y aura des liaisons télépathiques établies entre les gens. Mais les gens auront quand même besoin d'un point d'appui matériel pour leur expérience. Parce que les gens n'ayant pas souffert des grands chocs de l'initiation solaire auront besoin toujours de support psychologique pour passer à travers les épreuves. Jusqu'au moment où ils seront assez centriques puis assez grands dans leur esprit pour pouvoir faire face à la fin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en 1980-81, beaucoup de mes efforts sont dirigés à vous mettre en contact dans des rencontres avec des gens dont je sais qu'un jour, ils auront à donner un support quelconque à un grand nombre d'individus. C'est important que vous communiquiez ensemble, que vous parliez, que vous vous racontiez, que vous jasiez. Parce que c'est dans ces rencontres-là que vous allez développer de plus en plus votre sensibilité à votre intelligence créative et que vous allez ajuster votre ego à votre personnalité en communiquant avec les autres. Parce que les autres ne sont jamais totalement sur notre longueur d'onde, il y a toujours des frictions qui se passent. Puis en vous habituant à parler avec les autres, pas à discuter avec les autres, à parler, à échanger d'une façon réellement saine, automatiquement vous changez le tempérament de votre personnalité. Et avec le temps, vous allez bénéficier de vos alliances. Parce qu'avec le temps, vous serez obligé de recevoir dans vos milieux des gens qui viendront d'autres pays du monde. Ces gens-là, quand ils vous rencontreront, seront à l'aise avec vous parce que déjà, eux auront été préparés. Mais il se fera, dans leur rencontre avec vous autres, une sorte d'accélération. Mais pour le moment, les quelques années qui viennent, il s'agit que vous appreniez de plus en plus à pouvoir m'écouter, m'écouter, m'écouter, m'écouter. Essayez de moins comprendre possible. Écoutez, écoutez, écoutez. Quand vous allez pouvoir m'écouter sans essayer de comprendre, à ce moment-là, vous allez rendu un point où vous allez changer rapidement vos vibrations. Il y a un ordre dans votre évolution personnelle, il y a un temps dans votre évolution personnelle. Vous ne pouvez pas aller plus vite que vous allez. Ça, c'est difficile pour l'ego, je le comprends, mais ça ne peut pas être autrement. C'est votre protection, c'est votre stabilité, c'est votre... Sans ça, vous capoteriez. Mmh. Tout ça, ça vous mène vers la simplicité. Apprenez à être anonyme. Pas pour être anonyme, mais pour vous entraîner petit à petit à vivre intérieurement vos vies ou à développer le tact dans vos conversations. Vous pouvez pas compter à tout. Vous pouvez pas parler au monde. Vous ne pouvez pas compter vos vies à tout le monde. Ils vont rire de vous autres, puis avec raison. Apprenez à vivre vos vies. Vous avez du monde avec qui vous pouvez discuter de vos vies. Discutez avec ces gens-là. Plus vous avancez dans le temps, plus vos vies vont être anonymes. Ils vont venir à un moment donné, vous pourrez faire les mêmes au boulanger. C'est une façon de parler. On n'a pas de cerveau. Des quoi? Est-ce qu'on aura des lieux amis, justement, quand les plantes, les gens, qu'on pourra plus... Avec le temps, il y en a parmi vous autres qui auront certaines facilités, de, et il y en a qui chercheront à s'isoler, à la campagne, à ici, là, suivant vos activités. Mais, cherchez pas votre sécurité matérielle. Votre sécurité matérielle, elle va venir par elle-même. Tout va venir suivant vos vibrations. Il va venir à un certain moment où vous ne pourrez plus vivre en ville. Ça sera plus vivable pour vous autres en ville. Là, vous allez faire un maintenu, mais vous allez vous choisir des endroits tranquilles, calmes. Mais pour le moment, pour vous d'être en ville, travailler dans l'industrie, c'est très bon, parce que ça vous fait développer de la résistance. C'est la meilleure place pour votre évolution, la ville, aujourd'hui. J'ai déjà dit que la province de Québec allait être initiée. Tu peux en parler de ça? La province de Québec est en train d'être initiée. Pas toute la province de Québec. Des individus dans la province de Québec. Si vous n'avez pas réalisé encore que vous êtes en initiation, mais on n'a jamais de surplus matériel. Moi, j'ai remarqué une affaire qu'on a toujours juste quand on a besoin. Ça va la semaine passée, j'ai gagné 10 piastres pour venir ici, t'as pas. C'est bon, moi, avec, j'ai gagné 10 piastres pour venir passer. Elle a tout fait. Je connais pas votre état financier. C'est pas de mes affaires. Mais quand vous avez des problèmes de finances, vous venez parler à Gisèle, donnez-y 10 cents par semaine. Pendant 2 ans, ben donnez-y 10 cents par semaine. Il y a une raison vibratoire pour ça, c'est pour créer une forme pour que vous la dépassiez, cette forme-là. Quand vous n'aurez plus, vous ferez un check. Le principe, il dit, c'est que vous n'ayez pas de relation avec moi comme les hommes ont des relations avec les maîtres. Ouais. C'est ça le principe. Si vous pouvez encore être bien, on va être bien. On va être bien. C'est ça. On va être bien. On est ici parce qu'on a entendu ce qu'il a dit, et ceux qui sont pas ici parce qu'ils n'ont pas besoin d'entendre ce qu'il dit. C'est nous autres qui travaillons ensemble, mais d'autres qui ont besoin de l'autre. Il y en a qui débarquent. C'est vrai. Il y en a qui me demandent des fois, pourquoi tu parles pas de l'avenir? Ben, tu sais, je vais en parler de l'avenir, mais je veux pas en parler trop vite parce que votre état émotif, vos émotions, votre enthousiasme, votre imagination, vous charrie malgré vous-même. Vous êtes pas encore assez centré pour ne pas être charrié par demain. Aussitôt que vous parlez de l'invisible, des extraterrestres, puis ici, des là, il se développe une vibration. Une vibration, on la sent. Une vibration qui se développe. Faut que je la. On est curieux. C'est ça. Faut que je la maintienne à un minimum, cette vibration-là. Ça fait que tu nous amènes par nous autres-mêmes à la voie, la vie. C'est ça. Comme vous autres, là, vous puis les, là, vous parliez tout à l'heure, là. Vous auriez pu parler toute la nuit de ça. Parce que ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Puis quand vous en faites de ça, quand vous parlez comme ça, vous allez voir qu'à un certain moment, vous allez avoir une tension vibratoire. Ça veut dire arrête. C'est vrai. Ah, je l'ai senti tout de suite. Bien sûr. Sens cette vibration. Ben, je l'ai senti quand tu dis il faut arrêter. Ouais, c'est ça. Sans ça, ce qui arrive, c'est que vous allez perdre énormément d'énergie de parler de ces affaires-là. Moi, au contraire, j'aime mieux garder ça. Ouais, c'est bon. Parce que je me suis dit, au passé, aller là, ça fait bien trop mal. Puis, je sais pas moi, jusqu'à où je vais aller. Mais, je me dis, je prends ma journée, puis elle me dit, je veux pas rentrer là. C'est ça. C'est pesant, c'est plus important, parce que je suis pris avec des motivités. Je suis pas tentée que. Ça devient pesant, ça devient pesant. Mm. Mais c'est quoi cette tension-là? Pourquoi que ça met une tension? Quand vous sentez la tension, là, la tension, ça veut dire que c'est le temps de coupe. Des émotions? C'est que vous avez de l'imagination, vous vous parlez, ça fait que vous créez un égrégore. Vous vous sentez l'égrégore. Fait que si vous êtes sensible à la vibration, il vient d'en haut, coupez. Moi, je suis en arrière de la tête. Tu t'as senti n'importe où. Quand ça va bien, t'entends. Quand ça va pas bien, ça aide. Il y en a qui peuvent en parler, d'autres qui ne peuvent pas en parler. Ouais, mais je vais pas vous retarder. C'est le travail de veille. Tu vas achever à un moment donné dans le travail. Et, tu vas aller dire à un moment donné. Parce qu'à ce moment-là, nous autres, on va savoir exactement un petit peu, là, notre planète. Votre plan de vie, là, votre plan de vie va juste pour ceux qui ont ce plan de vie-là, ça va vers l'invisible, plan de vie. Vous vivez votre vie, vous allez vivre des événements politiques, vous allez vivre des événements économiques, vous allez vivre la vie matérielle jusqu'à son dénouement total. Puis la préparation que vous avez va vous amener à pouvoir passer à travers ces événements-là, de sorte que dans les années qui viennent, au lieu de vivre une vie anxieuse, puis, comme les gens vivent, vous allez vivre une vie de plus en plus libre, de plus en plus libre, de plus en plus libre, de sorte qu'il n'y aura plus rien là pour vous autres. Parce qu'il se passe n'importe quoi dans le monde, vous allez savoir que c'est dû, vous allez comprendre, vous allez l'interpréter correctement. Puis rendu à ce point-là, vous allez avoir des intuitions en avance de ce qui va se passer. C'est ça, on va savoir où aller. Vos facultés vont se développer. Il y a bien des choses que je ne peux pas vous dire qui vont se produire dans vos vies liées à d'autres activités, d'autres plans de vie, mes propres activités. Non, mais moi, je veux dire, autrement dit, quand toi, tu serais plus là, on pourrait bien l'écouter, là. Bon, à ce moment-là, donc, on va savoir où aller. Je vais vous dire une chose. Quand je serai plus là, là, je serai encore plus proche de vous autres qu'aujourd'hui. Quand je serai plus là, là, ça va être un mot du bon signe. On va avoir une démocratie assez forte. Il y en a pouvoir de parler. Anticipez pas. Essayez pas de comprendre l'avenir. Anticipez pas. Prenez un bloc, buvez du coup. Est-ce qu'ils vont vous accrocher là-dedans? C'est pour ça que je vais te dire, faites comme si vous ne m'aviez pas rencontré. Ah, ça c'est drôle à dire. J'ai chambardé, il faut que tu nous dises, faites pareil. J'ai chambardé, oui, dans un sens. J'ai réajusté. Non, parce que les chambardés, il y en a bien parmi vous qui ont été chambardés avant de me rencontrer. Oui. Monsieur Bessette est assez content de me rencontrer. Après tout son chambardement tout seul. Au moins quelqu'un qui le comprenait, dans son chambardement. Quand tu chambardes seul, c'est énervant. Hein? Dans des fois qu'on voit. Quand tu rencontres un autre fou, tu te penses fin. Quand deux bons verriers se racontent, ça me laisse des bonnes à compter. C'est là. Monsieur Bessette, c'est un grand ami pour vous autres. Mon curato, j'en parle pas parce que c'est une autre sorte de grand ami pour vous autres. Moi, je connais pas, je sais pas comment est-ce que vous... Je peux pas m'imaginer vos vies, comment est-ce que vous vivez vos vies dans cette expérience-là. Mais je peux m'imaginer que ça doit être intéressant. Je sais pas comment... C'est bien fun. Mais ça doit être comme un gros party. Parce que c'est pas une association, c'est pas une école, c'est pas une religion, c'est pas un groupe. C'est un des hommes qui sont sans même longueur d'onde. C'est pas d'être accroché. C'est pas d'être accroché. Mais moi, je viens de l'apercevoir, dans ce que j'aime ça, t'écouter par lui. Bon, je comprends rien. C'est pas stupide, fatigué. Mais ce que je sais, je le sais. Ouais, c'est ça. C'est vibratoire. C'est comme quand tu me parles, toi là, tu me parles, je comprends pas ce que tu me dis. Je peux pas être, tu me comprends. Hein? Je comprends rien quand tu me parles, mais non. Ça m'est fait. Quand vous me parlez, là, vous me demandez des questions, je comprends rien, je vous réponds. Je comprends rien. J'ai pas de mémoire, il y a rien. Là. Mais ça parle, ça parle. Là, c'est le fun, ça parle. C'est pour ça que j'aime ça, parce que comment... Mais il est là, le plaisir. Puis je m'en... Après ça, je sais plus. Je sais plus. Ouais. Ça. Mais ce que je sais, madame, dans tranquille, je vais dire. C'est tout vibratoire. Moi, je suis assez sans dessin, j'en suis. Ben oui, mais si je dis à tout le monde que je ne comprends rien, il va dire que je suis une sans dessin. Non, ouais. Mais moi, s'ils disent que je suis sans dessin. Tu sais que t'es pas sans dessin. Si elle veut, bon, c'est ça. Je ne suis pas rassuré. Même M. Beckett me dit un peu cette semaine. Il me met dans mon âge. Ouais, faites attention à votre intellect. Rationalisme. C'est rationaliser. Faites attention à ça, c'est mortel. C'est mortel. Ça peut vous charrier, ça. Rationalisez pas, surtout vous avec le manteau bleu. Chauffeur d'autobus. Mais l'intellect, on peut-tu à un moment donné, comme d'ego, là, on fait arriver avec le nerf de l'ajuster. Est-ce que l'intellect, on peut faire la même chose? Vous avez de l'intelligence. Vous n'avez en masse d'intelligence. Non, mais je veux dire, arrêtez de rationaliser. Ah, vous allez arrêter de rationaliser au fur et à mesure que votre corps mental va se développer. Mmh. Vous n'avez à revendre l'intelligence, vous savez. Mmh. Pas d'éducation, pas d'éducation. Es-tu cassé? Ça va, ma belle? Des puis une race, quand une race a le droit d'aîné, elle ne peut plus perdre son énergie. Elle monte. Et tant qu'une race n'est pas arrivée à un certain niveau d'évolution, ce qui viendra avec la septième race de l'homme, elle n'a pas son droit d'aîné. L'humanité aura le droit d'aîné avec la septième race. Est-ce que la septième race va être la dernière race? Ça sera la dernière race en scène. Ah, ok. Autrement dit, il n'y aurait plus une huitième race, la neuvième race, ça va être une chose. Ah, ok. On va y jouer. Autrement dit, tout ce qu'on va gagner en sixième race, là, pour une révolution, à un moment donné, cette race-là, on va faire une bonne race. C'est-à-dire qu'il y a des hommes dans la sixième race qui vont retourner à la magie noire. Donc, pour toi, c'est que ces gens-là vont évoluer, ils vont perdre ce qu'ils avaient acquis comme émotions. Ils vont se diviser des autres, ils vont être séparés. C'est pour ça qu'ils vont avoir un fin de cycle encore. C'est pour ça qu'il y a un fin de cycle. D'ailleurs, c'est pour ça que tu amènes des fins de cycle. Parce que l'humanité n'a pas le droit d'aîné. Parce que lorsque l'humanité a le droit d'aîné, l'évolution continue. Ça monte. Ceux qui passeront pas au travers de ce qui s'en vient, de ce qu'ils vont faire, vont mourir. Ouais, mais, ils vont évoluer sur d'autres planètes. Ouais, mais est-ce qu'il y en a là-dedans qui vont s'incarner en humain pour continuer le cheminement d'évolution? Ça dépend de l'évolution spirituelle. Parce que durant le cycle qui vient, il va y avoir un grand contrôle sur les incarnations sur la Terre pour retarder. Pour retarder l'évolution de la planète. C'est pour ça que beaucoup d'individus vont être envoyés sur d'autres planètes pour pouvoir retarder l'évolution ici. Un genre de screening. Mm-hmm. Mm-hmm. Ouais, mais je vais pas taxer la patience de nos autres. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Soyez patient. Soyez patient. Ouais.